La Casbah, The Radio Show, starts now. Hey hey, salut à vous amis rockeuses, amis rockeurs, et soyez les bienvenus dans cette nouvelle mixtape de l'été de Rock à la Casbah. Cette semaine, Laurent Mathieu Perret est aux commandes. Vendeur de galettes chez Bongo Joe, un record shop genevois, et grand faiseur de bisous sur disque devant l'absolu, Laurent a fondé son label 6 tonnes de Cher Records en 2012. Il en est depuis la tête pensante et la fourmi travailleuse. Dans son catalogue, on trouve essentiellement des 7 pouces, mais aussi des cassettes et quelques LP. Son créneau, c'est les petites quantités, le fait main au maximum, le DIY, notamment via la sérigraphie sur les pochettes et le rituel du bisou sur chaque disque avant l'envoi. Laurent est comme ça, il se donne à fond et ne regarde pas à la dépense quand il faut chouchouter le vinyle. Étonnamment, sa mixtape de l'été ne comporte aucun titre issu de son catalogue. Je vous invite donc à aller l'explorer sur son Bandcamp, 6tonnesdecherrecords.bandcamp.com. Tout de suite donc sa mixtape avec The Liminianas, Creedence Clearwater Revival, The Rich Hands, Las Rosas, Betty Davis, Anna Saint-Louis, Ophège, Ousnou Oscartal, Zelda and Same, Corla Pandit, Beastie Boys, Betty Harris, Pastor T.L. Barrett and the Youth for Chris Core et enfin Funkadelic. Bon été, profitez à fond des festivals et don't forget to stay wild. Bonjour, j'ai une offre fantastique pour vous. Que diriez-vous de recevoir tout de suite, là maintenant, 3 grands disques ou cassettes pour 9,95 francs chacun? Oui, vous avez bien entendu. Moins de 10 francs le grand disque 33 tours 30 cm stéréo ou la cassette stéréo longue durée. Soleil, Josie et Henri, sors-moi la Kenya. Et puis d'un coup, et puis voilà, une main devant, une main derrière, dans l'armoire, enroule le matelas. Clair soleil, cité Bateco, Ramdoula, tout le monde est là. D'un coup et puis voilà, une main devant, une main derrière, dans l'armoire, enroule le matelas. Une tête de négresse, Octave et Dolores, des sardines salées, Tlemcen Express, une blanche Vespa, des cannes à pêche, un bout de roseau pour boire au boulot. Une tête de négresse, Octave et Dolores, des sardines salées, Clemson Express. Une tête de négresse, Octave et Dolores, des sardines salées, Clemson Express.

Shoulders, let it all unfold. wedding day surprise. The crumbs of autumn leaves in the pockets of your jeans mixed with lint and tobacco and rice. Gonna eat it up. Come on and listen to this one. Thank you. We'll be right back. gonna get you. Trumpet sounding. She dances in big tent spinders. She's been grieving. Red Hot Mama was getting down, scoping the places where fun could be found. She was smoking. Vous a plu, ne manquez pas de vous procurer les prochaines nouveautés.